Les cours sont publics et nous ne décernons aucun diplôme. Nous sommes un lieu d'enseignement de haut niveau dans les disciplines les plus variées. Des cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Dès les fonds baptismaux sur lesquels il a été créé, le Collège de France a donc été un lieu de libre pensée. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qui est en jeu pour le sultan Mahmoud II quand il procède à l'abolition des janissaires, ces soldats esclaves élites de l'armée turque? Comment on peut s'exprimer le mécontentement et les résistances du peuple face à cette abolition violente? Quel a pu être le poids économique des janissaires dans la société ottomane? À quelle révolution à l'envers procède le sultan, s'interroge Etem Eldem? L'historien turc se partage entre Paris et Istanbul, où il est professeur à l'université anglophone de Boğaziçi. Titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France pour 5 ans, Etem Eldem nous entraîne dans une grande série pluriannuelle intitulée « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Depuis la semaine passée, il s'attache à l'ère des réformes entre 1820 et 1830. Il analyse la violente crise de l'été 1826 et la construction de l'identité de Mahmoud II en sultan moderne autocrate. Il montre comment il va introduire l'image d'un sultan souriant et donnant lui-même l'exemple de ses réformes au sein de la ville avant d'imposer son portrait officiel dans les casernes et les administrations. Quand Etem Eldem a initié sa série de cours au Collège de France en janvier 2018, Marc Sémon a proposé aux lecteurs du journal Le Monde un stimulant portrait de l'historien turc. La vocation d'Etem Eldem, rappelle-t-il, pour le métier d'historien, ne fut pas précoce. Né à Genève en 1960, déménageant de capitale en capitale, de lycée français en lycée français, au gré des postes de son père diplomate, il se consacre d'abord à des études d'ingénieur qui l'ennuient, puis aux sciences politiques, avant de rencontrer Robert Mantran, le grand historien de l'Empire ottoman. Ce dernier l'invite à venir étudier à l'université d'Aix-Marseille. C'est dès lors une carrière internationale qui s'ouvre pour l'historien turc qui le mènera à Paris et aux États-Unis. Dans ce même article, à propos de la Turquie que gouverne Recep Tayyip Erdogan, et où depuis le coup d'État raté de juillet 2016, la situation est devenue de plus en plus difficile, Etem Eldem indique « Nous faisons face à une dérive autoritaire que l'on ne peut simplement expliquer par la soif de pouvoir d'un seul homme. » Dès lors, pour Etem Eldem, il s'agit de s'interroger sur les racines de l'autocratie dans son pays. La semaine passée, nous avons découvert un sultan Mahmoud II traumatisé par les événements de 1808, quand le sultan Selim III a cherché à réorganiser l'armée. Les janissaires se sont révoltés, ont marché sur Constantinople, avant de déposer Selim III, qui a été exécuté peu après, en juin 1808. Mahmoud II sera l'initiateur des réformes dans l'Empire ottoman, tout en craignant les risques de contre-révolution. Alors à quelle mise au pas de la ville de Constantinople s'est livré le sultan Mahmoud II quand il a aboli les janissaires? Quel a été dans ce contexte le rôle des cafés dans la société ottomane? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 1er février 2019 pour le cours d'Etem Eldem, aujourd'hui, autocratie et résistance. Je continue donc à disséquer cet événement de 1826, l'heureux événement de 1826 tel que l'historiographie officielle ottomane l'appelait. Encore une fois, j'ai intitulé ma leçon « Autocratie et résistance », c'est-à-dire la montée en puissance de Mahmoud vers un système autocratique que j'essaierai de distinguer de ce que l'on pourrait appeler le despotisme oriental à l'ancienne. Ce n'est pas simplement un sultan, c'est un sultan moderne, c'est un nouveau sultan, et cela, ça se voit à son caractère, ça se voit à ses actions. L'autocratie de Mahmoud, c'est ça. Donc c'est une modernité teintée, mêlée d'autocratie, d'arbitraire, ainsi que j'essaierai de vous le montrer. Et bien sûr, résistance, puisque encore une fois, j'ai essayé de vous expliquer au cours, encore une fois, de ces leçons, que le rôle joué par les janissaires et par ceux qui sont plus ou moins assimilés aux janissaires est extrêmement difficile à définir à partir du moment où on veut bien quitter le stéréotype, le cliché un peu du bon janissaire du XIVe siècle et le mauvais janissaire du XIXe, le janissaire dégénéré, le janissaire qui n'est plus ce qu'il était. C'est beaucoup plus compliqué puisque, ainsi que je vous le disais, les janissaires sont imbriqués, impliqués, mêlés à la population. Ils font partie de la vie économique, sociale, politique, culturelle de la ville. Alors, cette résistance, d'où vient-elle ? Encore une fois, la voix des opprimés est extrêmement difficile à entendre. Mais on sait que dans une société traditionnelle, il y a certains lieux qui sont particulièrement propices à l'échange d'idées, et notamment d'idées qui vont à l'encontre de l'idéologie dominante. Et dans le cas ottomans, ce sont les cafés. Les cafés, alors on sait que les Ottomans sont les inventeurs, entre guillemets, du café, non qu'ils aient cultivé le café pour la première fois, mais ce sont les premiers au XVIe siècle à avoir utilisé ce breuvage dans un contexte urbain et social, et on sait que c'est un produit qui a été exporté, on ne sait pas exactement comment, alors pour certains c'est le siège de Vienne, etc. Enfin, en gros, on sait que l'Europe s'est inspirée du cas ottoman pour découvrir ce breuvage, et nous savons bien sûr que le café en Occident est aussi extrêmement porteur de transformations sociales. Toute histoire socio-économique de l'Europe, et notamment de l'Angleterre, vous parlera du rôle central joué dès le XVIIe siècle par le café pour des discussions politiques, mais aussi pour la circulation de l'information purement commerciale. Les premiers journaux, si vous voulez, ce sont des feuilles volantes qui sont distribuées dans les cafés, dans des cafés près des ports, etc. Donc les cafés, cet espace de sociabilité, est au centre même du développement de certains contacts, de certains échanges au sein d'une société, que ce soit en Orient ou en Occident. Et dans le cas ottoman, on sait que les cafés ont été souvent la cible d'une politique extrêmement restrictive, extrêmement oppressive, celle du sultan Mourad IV, par exemple, dans les années 1630, qui a interdit tous les cafés, voire même le tabac, pour des raisons purement politiques, même si ça a été généralement présenté avec dans un contexte religieux. Le problème était que ces cafés étaient des lieux de sédition, des lieux où les gens se rencontraient et où l'on pouvait parler sans être entendu ou moins bien entendu par les autorités. Donc le café comme une sous-culture, une culture d'opposition est un élément clé de la politique ottomane. Alors, à cela s'ajoute le fait que les sciences sociales et l'histoire, dans les dernières décennies, s'est intéressée de plus en plus à des concepts tels la sphère publique, l'espace public. Habermas et d'autres ont associé le miracle, entre guillemets, occidental à la création de cet espace public, de cette sphère publique qui devient porteuse d'une société civile, ce qui permet la transition vers la démocratie, vers une politique représentative, parlementaire, qui inclut de plus en plus des couches sociales qui, normalement, ne faisaient pas partie de cette scène politique. Par conséquent, les historiens de l'Empire ottoman ont aussi voulu, en quelque sorte, prouver que l'Empire ottoman appartenait, participait de ce même mouvement, et ont tenté de voir dans le café un phénomène comparable à celui du développement de la sphère publique en Occident. Je vous signale à cet usage les travaux de Cengiz Kırlı, un collègue de l'université de Boğaziçi, l'université du Bosphore, Cengiz Kırlı, qui a énormément travaillé sur justement les rapports de délation et d'espions qui essayaient de glaner des informations politiques, d'ordre politique, dans les cafés dans les années 1840. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est un travail d'historien, et il l'a fait avec beaucoup de précautions, sans vraiment tomber dans le panneau de vouloir à tout prix comparer l'Orient à l'Occident, trouver chez les Ottomans ce que l'on trouve chez les Anglais ou chez les Français, mais il en a sorti une vision très intéressante de la manière dont les cafés représentent en quelque sorte une voie publique dans la société ottomane. Donc les cafés font partie un peu de ce monde que le nouvel ordre est en train d'essayer de détruire ou de contrôler. On détruit, nous sommes le 23 juin, donc encore une fois, une semaine après l'événement, on détruit à Constantinople et à Galata. Galata, c'est la partie que l'on pense européenne, mais en fait qui ne l'est pas du tout à cette époque-là, si ce n'est quelques portions. C'est vraiment le port commercial, et c'est pourquoi les cafés de Galata sont importants, puisqu'ils ont un débouché direct dans ce monde extrêmement cosmopolite des marins, des commerçants, les cafés qui servaient de repère ou d'asile aux malintentionnés. On reforme un grand nombre de boutiques sans utilité réelle. On réduit aussi le nombre des hommes qui y sont attachés et qui ne sont pas indispensables à leur service. On sent qu'il y a un effort de régulariser, de remettre en ordre la ville. Les exils d'un côté, contrôler l'arrivée de migrants et essayer autant que possible de vérifier ce qu'on fait dans les boutiques. Alors les boutiques, il n'y en a pas énormément. Une société traditionnelle, vous avez bien sûr les marchés, vous avez les marchés couverts, les grands bazars, les grands et petits bazars où se vendent les objets d'une certaine valeur. Mais sinon, pour ce qui est des boutiques fréquentées par la population, vous n'avez en fait que les cafés, les tavernes et bien sûr les bains. Les bains aussi, dans le contexte ottoman, un peu à la romaine, sont des lieux de sociabilité, des lieux où l'on se réunit, où l'on discute, où on parle de politique. Bien sûr, tout cela se mêle de sexualité, de toutes sortes de choses qui échappent un peu au contrôle de l'État. Donc ce sont là vraiment des foyers de sédition vus par l'État, mais des foyers de liberté aussi pour une société qui est quand même limitée dans ses mouvements. Donc on voit bien que l'Empire, l'État, est en train d'essayer de contrôler ces lieux qui lui paraissent suspects du fait de ce qui s'y dit, de ce qui peut s'y dire. On essaye aussi, ce passage est intéressant, les palais et les maisons francs qui n'avaient point encore mis de fanal, à l'exemple de tout le monde, ont été invités à le faire. Toutes les rues sont actuellement bien éclairées pendant la nuit et présentent un spectacle fort nouveau dans ce pays-ci. Parce que vous lisez n'importe quel voyageur de l'époque, il vous dira que Constantinople est une ville qui, la nuit tombée, est dans l'obscurité la plus totale. Il n'y a pas d'éclairage public. On éclaire, on fait ce qu'on appelle un éclairage festif, un donanma, lors de certaines fêtes. Alors là, on met des guirlandes, des lanternes, des fanaux, etc. Mais sinon, la ville est pratiquement morte la nuit. On y circule peu. Et de toute façon, on aurait du mal à y circuler puisque c'est dans le noir le plus complet, ce qui, bien sûr, amène des problèmes de sécurité. Et par conséquent, on sent bien que là, si on oblige les gens à éclairer leurs maisons et les rues, ça n'est pas pour donner à la ville un air de fête, c'est pour la mieux contrôler, c'est pour être sûr que tous ces éléments suspects, associés ou non aux janissaires, ne sont pas en train de profiter de la nuit et de l'obscurité pour s'échapper ou pour continuer leur manège. Ce qui est intéressant, c'est que les tavernes, donc autre lieu de sédition en puissance et de perdition, les tavernes sont moins inquiétées que les cafés. Je n'ai pas d'explication solide pour cela. Mais j'en parlais l'autre jour à mon collègue et ami François Georgeon, que vous connaissez peut-être pour les travaux qu'il a fait sur Abdulhamid, sa biographie d'Abdulhamid, ses travaux sur le Ramadan. Et en ce moment, il est en train de travailler sur l'alcool dans l'Empire ottoman, la consommation, la production, la distribution l'image, en quelque sorte, de l'alcool dans un empire dont le système est régi par une idéologie islamique. Et nous pensons, et il a confirmé mon opinion, c'est probablement parce qu'il y a beaucoup moins de tavernes que de cafés, il y a beaucoup moins de buveurs d'alcool qu'il n'y a de buveurs de café, tout le monde boit le café, il n'y a guère que ceux qui ne sont pas musulmans ou ceux qui, tout en étant musulmans, appartiennent à certains groupes sociaux qui n'ont pas à se soucier des règles islamiques, que l'on boit de l'alcool. Et par conséquent, l'alcool est en général confiné à la marge de la ville, notamment à Galata, près du port, puisque, encore une fois, l'environnement un peu interlope des ports, ce va-et-vient constant des marchandises, des hommes, est propice à ce genre d'échange. Donc, à un moment où on interdit les cafés, où on commence à abattre les cafés, il est intéressant de voir qu'on a permis l'ouverture des tavernes aux conditions suivantes. Le vin s'y vendra 16 paras, l'oc, donc environ 18 centimes la bouteille, l'eau de vie 40 paras, etc. Les grandes tavernes seront tenues d'entretenir deux pompes à incendie. On croirait entendre un arrêt préfectoral de la Troisième République, c'est intéressant. Les petites, une seule, elles seront exemptes des droits qu'elles payaient à l'Odjak des Janissaires. Donc on voit que là, il y a déjà une dimension politique. On les libère en quelque sorte de l'emprise des Janissaires dont on connaissait la présence justement dans ces milieux un peu ambigus et interlopes de la ville. Et la police les surveillera avec soin. Cette mesure est une marque de sécurité de la part du gouvernement et en même temps un moyen de surveillance. Encore une fois, on ne veut pas se débarrasser, c'est intéressant, c'est toujours le dilemme d'un État qui essaye de contrôler sa population. On ne veut pas laisser cette population libre, on ne veut pas qu'elle profite d'une liberté qui lui permettrait de faire tout ce qu'elle veut et même de fomenter une insurrection contre le système. Mais d'un autre côté, on se rend bien compte que d'abord, ça n'est pas contrôlable. Et deuxièmement, que si c'est bien contrôlé, ça devient un avantage. C'est-à-dire qu'on peut manipuler l'opinion publique, on peut y avoir accès en surveillant, en contrôlant ces lieux qui sont censés être dangereux aux yeux de l'État. Donc, un petit détail qui va dans le sens, justement, de ce désir, c'est ce contraste, si vous voulez, entre le désir d'éradiquer toutes sortes de dangers, mais en même temps, d'avoir une politique réaliste que l'on pourrait manipuler, que l'on pourrait transformer en quelque chose d'utile du point de vue de la surveillance, puisque c'est là la naissance, en quelque sorte, de la police dans l'Empire ottoman. C'est quelque chose qui découlera de cette révolution, la création de la police, et encore aujourd'hui, lorsque, en Turquie, la police fête son anniversaire, et oui, la police fête chaque année, je ne sais pas quel jour de l'an, et c'est toujours le 144e ou 172e anniversaire de la police turque, ce qui surprend un peu quand on sait que la République n'a que 90 ans. C'est tout simplement une référence à la période mahmoudienne où les premières tentatives ont été faites d'établir un corps de police dans la ville. Les rues de Constantinople sont presque désertes, dit encore un rapport. On ne voit que des figures portant l'empreinte de la consternation. Encore une fois, j'aime bien que les sentiments y soient décrits. La mesure la plus vexatoire pour un peuple qui ne peut se passer de fumer, de prendre le café et d'être assis... C'est une belle définition de l'oriental, n'est-ce pas? Pour ce qui est de l'orientalisme, là, vous en avez des pelletés, mais bon. Mais c'est vrai que les loisirs dans une ville orientale ou méditerranéenne, c'est essentiellement ça, boire, manger et s'asseoir. Le temps libre, on ne se rend pas compte à quel point le temps libre est précieux pour les sociétés traditionnelles. Et par conséquent, il ne faut pas vraiment s'en étonner, même s'il y a là un cachet orientaliste qui est quand même assez amusant. La mesure donc la plus vexatoire vient d'être mise à exécution. Elle était annoncée depuis longtemps, mais on espérait quelques exceptions. Hier, tous les cafés de Constantinople, tous, absolument tous, donc il insiste pour qu'on comprenne bien qu'il n'exagère pas, ont été fermés. Alors, je vais illustrer mes propos de quelques images. Encore une fois, c'est un des lieux privilégiés, préférés des voyageurs. Ils adorent décrire les cafés. Vous connaissez peut-être Meling, qui est cet architecte et dessinateur, artiste de la fin du XVIIIe siècle, qui a énormément travaillé à Istanbul, au point de construire des palais pour le sultan Selim III et sa sœur Hatice Sultan. Voici donc un café turc, comme on les appelait, un café ottoman, et vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est en fait un salon. C'est un salon avec une petite fontaine au milieu. Vous avez une belle vue qui donne sur le port. Ce que vous voyez de l'autre côté de l'eau, c'est le palais impérial, c'est la pointe du sérail. Vous avez à gauche, là, vous avez ce qu'on appelle le ojak, donc le foyer, la petite cheminée, là où l'on fait le café. Les serveurs qui distribuent le café, et tout le monde, effectivement, fume sa pipe, le tchoubouk, cette longue pipe, et savoure son café. Alors ça, bien sûr, on arrive à le situer à peu près grâce à la vue. Il est sur les hauteurs de Galata, vers Pera. C'est un café, disons, assez chic. On a l'impression de quelque chose d'assez tranquille. D'autres sont plus populaires. Même si ce dessin de Preziosi date des années 1850, il représente quelque chose de beaucoup plus démotique, de beaucoup plus populaire, un café de quartier qui fonctionne à peu près de la même manière. Vous avez encore une fois cette petite fontaine qui égaye le salon, mais vous avez des gens qui sont d'un autre profil, des militaires, des janissaires, enfin, du moins avant 1826, des ouvriers, des boutiquiers, un monde beaucoup plus cosmopolite qui se réunit autour de la tasse de café et qui, par conséquent, papote, parle de politique, puisque c'est un peu inévitable. Encore une fois, différence entre la taverne et le café. Le café, on peut parler longtemps, la taverne, on finit sous la table, ce qui, j'imagine, écourte les conversations, surtout que dans certains milieux, on boit plus et beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que dans d'autres. Mais voilà donc une représentation d'un café. Et encore une fois, un snapshot, un instantané qui me paraît extrêmement intéressant, que j'ai trouvé dans la documentation de l'ambassade. Un distique affiché, donc deux verres affichés clandestinement, peut avoir hâté cette disposition sévère. Il parle de la fermeture des cafés pour empêcher tout rassemblement d'hommes. Il dit avec une concision rare, « Bourreau Mahmoud s'en est assez, il t'arrivera pic à Selim. Ne crois pas que les janissaires aient une faim, ils sortent de la terre comme des champignons. » Alors ça, c'est pas très poétique en français, mais ce qui est intéressant, c'est que l'observateur a pris la peine de transcrire le poème dans sa version originale, Jellat Mahmoud, donc bourreau, Yeter, Yeter, ça suffit. Alors la répétition est très forte. Selimden olursun beter, on voit la rime, rime interne. Donc ça suffit, tu seras pire que Selim. Sanmay ki yenicheli biter, Topraktan mantar gibi biter. Un jeu de mots sur le verbe bitmek, qui en turc veut dire à la fois finir et pousser. Donc, ne crois pas que les janissaires sont éradiqués, ils vont pousser tels des champignons de la terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a encore une fois ce que j'appelle une voix de cette société qui est généralement extrêmement silencieuse, non pas qu'elle soit elle-même silencieuse, mais silencieuse du fait de la pression qu'exerce la documentation officielle sur les sources qui nous sont accessibles. Il est très rare de pouvoir trouver des exemples comme ça de ce qui est apparemment quelque chose qui circule dans la ville d'Istanbul. Et là, on voit bien que la résistance, elle est là. Et toutes les références sont là. On appelle le sultan un bourreau, on se réfère à Selim, celui qui en 1807 a été victime des janissaires et de leur révolution, et on parle directement de ceux dont le nom avait été soi-disant effacé par la damnatio memoriae, les janissaires, en disant que ne crois surtout pas que les janissaires sont finis, ils vont réapparaître. Donc c'est un distique plein de menaces qui dit bien qu'il y a au fond une résistance, une opposition, un ressentiment contre le sultan. Les cafés rouvrent quand même le 1er août, donc une ou deux semaines après. On a ouvert aujourd'hui la plupart des cafés à Beşiktaş, au Grand Champ des Morts et à Topran, et aussi bien que dans les quartiers de Hasköy et de Kasımpaşa, occupés par les bombardiers et les Galyonjo. Cette faveur leur a été accordée, dit-on, en récompense de leur belle conduite dans les circonstances actuelles. Phénomène intéressant, c'est que on essaye de sauver un métier ou un secteur de l'emprise des janissaires, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le transfère aux vainqueurs, c'est-à-dire aux soldats qui ont été fidèles, ce qui veut dire, en gros, que le principe de la protection un peu mafieuse des cafés, des boutiques, par des gens qui appartiennent à la milice, elle continue. C'est simplement qu'elle change de main et que maintenant, les bombardiers, les canonniers, les topcheux et les rumbaladjeux, les canonniers et les bombardiers, ayant prouvé leur soutien et leur fidélité à Mahmoud, ils sont récompensés par... Et on imagine, bien sûr, que ceci fait aussi partie d'un réseau de surveillance. Maintenant qu'on a des fidèles à la tête de ce réseau de cafés, on pourra s'informer mieux, plus facilement, des velléités de la population. Et une dernière image de café qui est intéressante parce que, justement, elle décrit un café extrêmement populaire au ras de l'eau, c'est-à-dire dans la Corne d'Or, avec en face, vous reconnaissez la mosquée de Suleymaniye, là c'est l'aqueduc de Valence, donc on est du côté de Galata, du côté du port marchand, et c'est un café typique où l'on fume le narguilé, où l'on fume la pipe et où on boit le café et où on papote, encore une fois, où on parle de politique, etc. Donc ce malaise, on le sent dans ces bulletins d'information de l'ambassade, puisque vous vous souviendrez que la guerre contre les mécréants de janissaires avait été menée sous l'étendard, sous le symbolisme extrêmement fort de l'étendard du prophète, le Sanjak Şerif. Cet étendard avait été planté à l'intérieur même de la mosquée de Sultan Ahmed, qui avait servi de QG aux officiers dignitaires de la porte pendant les premiers jours des événements. Et ensuite, il avait été ramené au palais où il avait été placé sur ce petit bout de marbre qui existe encore aujourd'hui, qui lui est destiné sous le dé de la porte de la troisième cour. Donc, on ne l'a pas encore rentré au trésor, puisqu'il appartient en fait au trésor, il fait partie des reliques du prophète, donc on ne le rentre pas, on le récupère de la mosquée et on le plante au palais. Et on parle toujours de la prochaine rentrée du Sanjak Şerif. On sent bien, vous vous souviendrez que d'aucuns prétendaient qu'il ne rentrerait pas avant que le nombre de victimes ait atteint 12 000. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de légendes, de mythes qui circulent autour de ce symbolisme. Les gens sont en train de se demander quand on va retourner à une vie plus ou moins normale. Mais on assure aussi que le grand vizir est contraire à cette mesure qui lui semble intempestive vu le nombre de mécontents dont Constantinople, mais surtout Galata et les quartiers voisins de l'arsenal sont encore remplis malgré les exécutions et les exils. Donc le gouvernement est parfaitement conscient du fait que l'affaire n'est pas encore bouclée, qu'il y a encore un risque de contre-révolution et que par conséquent, on ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers. Et c'est pourquoi les mesures prises à l'encontre de la population commencent à être de plus en plus coercitives, de plus en plus violentes, de plus en plus draconiennes. On a lu aujourd'hui, 13 août, dans toutes les mosquées, des ferments d'exhortation pour que chaque musulman fasse exactement les prières exigées par la loi, non en particulier, à moins d'empêchement légitime, mais en public, dans les lieux consacrés, et en même temps que les chefs ou supérieurs auxquels ils seraient attachés. C'est-à-dire qu'on veut embrigader la population, on veut l'incorporer, la forcer à prouver sa loyauté, sa fidélité au système par des actes apparents et publics. C'est une mesure très forte, si vous voulez. Et pendant ce temps, on continue d'exécuter. Donc il paraît que les exécutions se poursuivent dans le silence et que pendant la nuit, des mahones, ce sont des péniches, si vous voulez, traversent le port et vont jeter chaque jour à la mer des cadavres qu'emportent les courants loin des rivages voisins de la capitale. Est-ce vrai ? Je ne sais pas, sûrement, mais est-ce aussi fréquent qu'on le prétend ? Peut-être pas. Ce qui compte vraiment, c'est d'instiller la peur, de créer un environnement de frayeur, de terreur dans la ville pour forcer les gens à se plier aux exigences du nouveau système. Et deuxième vague de résistance, incendie. Un grand incendie qui se déclare à la fin du mois d'août, au moment où tous les dignitaires de l'Empire assistaient à la cérémonie qui devait précéder la rentrée du Sanjak Shérif au Trésor impérial. Donc, ça y est, on plie bagages, on décampe finalement, et tout d'un coup, le feu se manifeste auprès de Barche Kapusu, près du port. La cérémonie a été suspendue aussitôt, tous les ministres se sont portés sur le théâtre de l'incendie, mais les efforts faits pour l'arrêter sont inutiles. L'hôtel de la porte, donc le palais du gouvernement, est déjà consumé. Les bazars, les bezestins, un grand nombre de Han sont la proie des flammes. Le quartier des Arméniens est détruit, le feu plonge depuis Barche Kapusu et Kum Kapu jusqu'à Yene Kapu et vers les sept tours. Alors, pour illustrer ça, malheureusement, nous n'avons pas d'illustration de l'incendie de 1826, mais encore une fois, l'orientalisme aidant, l'Orient étant figé dans le temps, je vous donne un incendie dans le même quartier en 1865. Nous savons tous que l'Orient ne change pas. Je rigole, mais à moitié. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement les mêmes quartiers qui brûlent en 1865, et quand c'est vu de loin avec une barque remplie de rameurs, etc., on peut avoir l'illusion de recréer l'atmosphère de l'incendie de 1826. Mais plus concrètement, en utilisant de nouveau la carte que j'avais utilisée il y a quelques jours pour parler de l'opération contre les casernes, voilà à peu près à quoi correspond le périmètre de l'incendie. C'est énorme. Pour quiconque connaît Istanbul, vous avez là le sérail qui est bien protégé puisque il est entouré de jardins et d'une muraille. Par conséquent, il ne craint pas grand-chose. Le feu commence ici, à Barche Kapusu, et il atteint Yene Kapu, dit le rapport. C'est énorme et c'est effectivement la partie la plus riche, la plus commerçante, la partie où se trouve le grand bazar, la partie où se trouvent les grands han, ces immeubles commerciaux. C'est tout cela qui brûle. Alors, quel rapport ? Le rapport, bien sûr, on ne peut pas l'établir avec précision, mais il est connu que l'une des formes les plus courantes de révolte, de protestation contre le gouvernement dans l'Empire ottoman et en particulier à Constantinople, c'est le feu, c'est l'incendie, c'est l'action d'incendier la ville. Et par conséquent, le Sanjak Shérif a été reporté aujourd'hui vers 10h du matin au Trésor impérial. On essaye quand même de boucler l'affaire. Le camp est levé. On parle d'un incendiaire arrêté hier à Constantinople au moment où il cherchait à mettre le feu. Est-ce vrai ? On ne le saura pas. Mais en tout cas, c'est la crainte aux yeux du gouvernement de savoir que les gens, n'étant pas contents, ont probablement toutes sortes de raisons de mettre la pagaille dans la ville. Et la meilleure manière, le moyen le plus sûr de mettre la pagaille, de faire mal à l'État, c'est le feu. C'est de détruire les richesses de l'Empire par le feu, et notamment cette partie extrêmement riche qui contient tous les édifices commerciaux. On dit aussi qu'il y a eu aujourd'hui à Galata une tentative de même nature. Alors, mais, bien sûr, une fois que l'incendie a été vécu, etc., tout le monde est plus ou moins paranoïaque et convaincu de ce que tous les mécontents sont là avec, on n'avait pas d'allumettes à l'époque, mais avec des tisons, en train d'essayer de brûler la ville. Il est toujours question de malveillants qui épient l'occasion favorable pour incendier de nouveau la ville ou les faubourgs. Le peuple est très mécontent, il est dans la misère. Et l'incendie donc de Constantinople ne s'est arrêté que le lendemain, donc une description vraiment d'une destruction massive qui est immédiatement mise en rapport avec ce sentiment de malaise, ce mécontentement de la population. Tous les jours, dit-on, on arrête des individus qui sont surpris cherchant à incendier la ville, etc. Et encore une fois, un petit passage que j'essaye d'interpréter comme une voix du passé. Le sultan voulait une place pour l'exercice, nous lui en avons fait une qui tient la moitié de Constantinople. Le défi. le défi, ah bon, vous vouliez détruire les janissaires pour faire la place à cette nouvelle armée dont l'apanage et l'exercice régulier, les parades, etc., et ben voilà, on vous a libéré la moitié de Constantinople, vous pourrez y parader comme vous le voulez avec vos nouveaux soldats. Se non è vero, è bene trovato. Est-ce vraiment si... Probablement. C'est-à-dire que tout ce que l'on entend dans ces rapports, c'est un rapport soit avec une réalité, soit avec une fiction qui elle-même est réelle, dans le sens qu'elle circule de bouche à oreille et qu'elle signifie ce mécontentement des individus. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Ethem Eldem dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, les années 1820-1830 ». Aujourd'hui, autocratie et résistance. Mais maintenant, penchons-nous sur un aspect concret de ce mécontentement. Et je pense que ça vous donnera une idée de ce que représente vraiment cette implication des janissaires dans la vie de tous les jours. Dès le 6 juin, à l'époque où l'événement n'a pas encore eu lieu et où l'on fait le planning de cette nouvelle armée, etc., l'un des projets est de défendre aux janissaires de vendre leurs essamés. Essamés, c'est un terme dérivé de essami, qui est le plus de nom, le nom d'un individu, ce sont les listes des janissaires, les rôles des janissaires. C'est-à-dire, c'est le droit à la paye. C'est en quelque sorte un bon du trésor qui est délivré à des janissaires et qui leur permet de toucher leur paye, notamment lorsqu'ils sont à la retraite. Et on veut défendre aux janissaires de vendre leurs essamés ou billets de paye. Cette disposition qui met fin à un abus si préjudiciable au trésor public, en ce que les essamés devenaient de la sorte une rente perpétuelle à sa charge, occasionne quelques murmures, mais on ne paraît pas en craindre de fâcheuses suites. Et pourtant, quelques jours plus tard, pendant la Révolution, on voit que les essamés, c'est-à-dire le retrait de ce que les gens considèrent comme un moyen de survie, c'est-à-dire une paix, leur est retiré. Et par conséquent, dès la déclaration le lendemain de l'événement, le sultan essaye de rassurer le public en disant « Rien ne serait changé aux essamés ni aux payes journalières ». Donc on se dédie. Pourquoi ? Parce qu'on est conscient de ce que le problème, ou un des problèmes, il est là. C'est-à-dire la survie d'une part, d'une portion importante de la population. Le peuple est très mécontent jusqu'en septembre. Il est dans la misère. Le refus de payer les essamés ou leur paiement incomplet, parce que on promet de ne rien changer au système, mais en fait, on traîne du pied, on essaye d'intimider les gens, on essaye de leur faire comprendre que s'ils se ramènent au bureau de paye avec un essamé de janissaire, ils risquent d'être justement compris dans le nombre des janissaires et inquiétés pour cela. Donc, on essaye en quelque sorte de se débarrasser d'une dette énorme, de répudier une dette. Mais pourquoi ? Ben écoutez, c'est là qu'on voit que cette réalité économique, elle est partout où les janissaires sont. Quelque chose qui n'est pas lié aux essamés, mais qui vous donnera une idée de la situation, c'est un rapport du consul à Salonique qui parle de l'abolition des janissaires à Salonique même, et il dit qui a coûté tant de sang à Constantinople, c'est exécuté ici avant-hier avec le plus grand calme. Nos tapageurs de tabacagnottes, alors on comprend que ce sont des tanneurs, pourquoi ? Parce que tabakhane en turc, c'est une tannerie. Tabakaniotis, c'est une version grecque, une version grécisée des habitants des tanneries. Donc ce sont les tanneurs et de janissaires n'ont pas soufflé mot. Ils se sont laissés enlever leurs écussons d'honneur, fermer leur café sans prononcer une parole. On comprend que les tanneurs de Salonique sont directement impliqués, directement associés aux janissaires. Alors, quelques chiffres, et ça je le tire du travail remarquable de Mert Sunar sur ce qu'il appelle le chaudron de la dissension, une étude du corps des janissaires. C'est un historien que j'ai le plaisir et l'honneur de compter parmi mes étudiants d'il y a quelques années déjà. Il a fait un travail remarquable où il a essayé de recenser ces essaimés, voir un peu à quoi correspondaient les chiffres des essaimés. Et l'information est assez sidérante. Vous voyez que, en gros, en 1816 ou en 1819, avec des variations qui sont peu importantes, vous avez 115 000 essaimés, 115 000 individus qui peuvent demander à être payés en tant que janissaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez un nombre d'actifs, c'est-à-dire de janissaires, de véritables janissaires, qui est à peine le dixième de ce nombre. Les autres, ce sont des retraités. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, si, et c'est là qu'on comprend que l'essaimé est devenu en quelque sorte une valeur publique, est devenu une sorte d'action, ou plutôt d'obligation, qui circule de main en main, que les janissaires vendent, ou alors qu'ils passent à des familiers et qui permettent à ces gens-là de survivre, d'avoir une rente viagère, comme l'expliquait le diplomate dans son rapport. C'est énorme. Et ce que cela représente, 1,5 million de piastres, c'est 8% du budget de l'État. C'est énorme. Encore une fois, d'autant plus qu'il s'agit non pas vraiment de la solde d'une milice, mais en fait d'un paiement qui est fait à une portion très considérable de la population. Si l'on prend ces chiffres au sérieux, 120 000, c'est un tiers de la population. Et c'est là qu'on commence à comprendre que la destruction des janissaires, ce n'est pas que les janissaires, c'est beaucoup plus. Il y a un effet de transmission, en quelque sorte, de cette destruction à travers ces moyens économiques. Et autre vérification, il s'est amusé à essayer de voir combien des janissaires inscrits étaient identifiés de manière explicite par une référence à une profession, c'est-à-dire à l'appartenance à un corps de métier, esnaf. 30%, c'est énorme. Encore une fois, ce ne sont pas des janissaires uniquement, ce sont des gens qui participent entièrement de la vie économique de la ville et qui, par conséquent, ne peuvent pas en être désolidarisés. On comprend mieux maintenant l'ampleur de cette réaction. Alors, dans tout ça, Mahmoud devient de plus en plus intéressant parce que c'est une lutte acharnée qu'il mène non seulement contre les janissaires dont on avait vu qu'il l'avait traumatisé dans sa jeunesse, et on comprend pourquoi, mais aussi d'une partie de la population. C'est énorme, c'est une révolution à l'envers. C'est le sultan qui se rebelle en quelque sorte contre l'ordre normal des choses dans la capitale de l'Empire. Et c'est ça qui va le forcer à se transformer complètement. Alors pour résumer un peu cette transformation, deux images, Mahmoud avant et Mahmoud après. Mahmoud avant, c'est un sultan ottoman comme tous les sultans, avec son plumeau, avec tout ce que l'on peut associer, cette image est probablement des années 1817-18 par là. C'est un sultan dans la tradition encore plus classique, en fait, que Selim III, dont vous vous souviendrez peut-être du portrait avec le sextant, la longue vue, etc. Là, il n'y a même pas de tentative de jouer la carte de la modernité. C'est un sultan en apparat, sur son cheval, un point, c'est tout. Et là, c'est Mahmoud après, tellement après qu'il est défunt, en fait. La légende dit « Jennet Mekian », donc c'est un portrait qui a été fait après sa mort, mais qui reprend sa nouvelle personnalité, son nouvel uniforme, où il a une attitude. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du coude de la Renaissance. C'est un phénomène très intéressant. C'est une historienne de l'art, dont j'ai oublié le nom, anglaise, qui a publié un article extrêmement intéressant sur un élément de la peinture de la Renaissance qui apparaît vers le 15e, 16e siècle. C'est le coude sorti, elle appelle ça « the Renaissance elbow », le coude de la Renaissance. En fait, c'est le point sur la hanche, cette attitude de défi qui deviendra une pose masculine extrêmement importante, extrêmement courante, jusqu'au 19e, jusqu'au 20e siècle. Et là, vous voyez Mahmoud adopter cette pose. Enfin, mais c'est un homme transformé. Et cette transformation, on peut la suivre par, encore une fois, ces rapports extrêmement détaillés de l'ambassade. Sa hôtesse s'est rendue pour la prière du vendredi à la mosquée de Pir Ali Pacha à Toprane. Elle a salué d'un air riant et gracieux les fidèles Topchou qui formaient la haie sur deux rangs armés de fusils. Un sultan qui sourit, un sultan qui rit, ça ne s'est jamais vu. Ça n'appartient pas au langage corporel d'un sultan. Il est en train de se transformer. Il commence à avoir un visage, une visibilité publique. Il est en train de se construire une identité publique. Bien sûr, dans un environnement protégé, celui des Topchou, les canonniers fidèles, ceux qui ont jouer le rôle le plus important dans la destruction des janissaires, puisque c'est eux qui ont abattu les casernes et incendié les casernes le 15 et le 16 juin. Mais ça n'est pas que. Depuis le 15 juin, Sultan Mahmoud a toujours été costumé à l'égyptienne, sorte d'habit militaire aussi riche qu'élégant. Cet exemple est généralement suivi. Il paraît hors de doute que sa hôtesse est sortie du sérail dans ce costume le jour même où le danger était si grand. Et ce costume, quel est-il? On ne sait pas exactement, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire un costume qui est imité sur le modèle de Mohamed Ali, de Mohamed Ali d'Égypte, cette modernisation qui a déjà commencé en Égypte. Je vous avais dit à quel point les Ottomans étaient impressionnés par l'efficacité de l'armée égyptienne lors de la campagne de Grèce. C'est grâce aux Égyptiens que, en 1826, il y a quand même un retournement en faveur des Ottomans qui s'opère. Donc, il y a un modèle. Et ce modèle, c'est un modèle qui a déjà été testé. C'est un modèle qui reprend en quelque sorte le Nizam Jadid, le nouvel ordre de Selim, mais l'interprète avec les moyens du moment et qui essaye de joindre une certaine forme orientale avec des aspects pratiques occidentaux. Donc ce portrait, que je n'arrive pas à dater, je l'ai déniché sur le site de vente de Christie's, et bon, il n'est pas daté. Il y a un prix, mais il n'y a pas de date. Mais il est accompagné ici d'un petit quatrain qui dit déjà quelque chose qui préfigure la nouvelle personnalité de Mahmoud. Mahmoud Khan, sultan des sultans du monde, sur l'image, sa nature d'ange, telle l'ombre de Dieu, lorsque le reflet d'un regard est jeté sur son visage, son portrait impérial cause l'admiration de tous. Les mots-clés ici, c'est le portrait impérial et image. Souret et Tasvir Humayun. Tasvir Humayun, c'est quelque chose que Mahmoud va inventer. C'est le portrait impérial qui devient non pas un objet de curiosité pour une consommation locale privée comme le portrait de Selim III qu'il avait offert à Napoléon, mais un portrait public. Un portrait du sultan qui est créé afin d'être affiché, d'être accroché dans des lieux publics. Ce n'est pas encore en 26 qu'il le fera, mais à partir de 1829, il va commencer à imposer son portrait comme un portrait officiel dans les casernes, dans les bureaux de l'administration. Et encore ces rapports, le sultan Mahmoud continue de donner l'exemple des réformes dans l'intérieur de son palais. Il soutient ses ministres dans leurs travaux par son ardeur et par son application personnelle. Sa hôtesse reste jour et nuit au sérail. funérailles, elle ne s'absente que quelques moments pour aller voir la famille impériale restée à Beşiktaş. C'est un prince au bureau, un prince qui est en ville, soit à la tête de ses troupes, soit au palais, en train de travailler. C'est un sultan moderne. Il s'implique complètement dans ce nouveau travail. Il a fait aujourd'hui des évolutions navales à trois goélettes devant son palais d'été à Beşiktaş, ayant remarqué dans ses excursions que les rues et les campagnes étaient désertes, déçues apparemment, il a permis que les femmes reprissent leurs habitudes de promenade et assistassent à l'exercice. Et le lendemain, répétition de ce qui s'est fait hier et au même lieu, grande affluence de femmes. Comme par magie, il est en train de manipuler l'opinion publique. Il se crée une scène de représentation. Il veut être vu. Il a ses craintes, on l'a vu avec le barbu, mais il veut être vu, il veut faire étalage de sa modernité et du nouveau rôle qui le caractérise. Et voilà un tableau encore anonyme, probablement un peu plus tardif de la fin des années 1820, mais qui le représente à cheval, en ville, entouré de la populace. On reconnaît la mosquée de Bayezid, la tour de Bayezid. On devine donc que ceci était l'ancienne porte d'entrée du vieux sérail. C'est donc l'emplacement de ce qui est aujourd'hui appelé la place de Bayezid, devant le campus de l'université d'Istanbul. Mais ce qui est intéressant, c'est que au centre, vous avez donc des soldats, des officiers qui caracolent, etc., et le sultan, et puis vous avez un public. Un public qui est là. Ça, c'est nouveau. Le sultan avant Mahmoud, on le voit de temps en temps, on le voit lorsqu'il va à la prière du vendredi, on le voit à distance, mais il ne se mêle pas à la foule, tandis que Mahmoud est en train vraiment de pratiquer des bains de foule, en quelque sorte, d'un genre tout à fait nouveau. Sa hôtesse, en se rendant hier à Gulhaneh, était vêtue à la mamelouk, donc encore une fois l'uniforme égyptien, ayant des pistolets à la ceinture et une lance à la main, soit coiffure et celle du séliktar étaient des choubaras, bonnets des nouvelles troupes. Il est allé à Okmeydan avec une suite nombreuse pour y faire des évolutions à cheval, une lance et un pistolet dans les mains. Ce goût très vif qu'elle a pris pour cette sorte d'exercice lui a fait perdre entièrement la passion qu'elle avait pour l'arc. Puisque le tir à l'arc est le sport traditionnel des sultans, ce que certains membres du gouvernement aujourd'hui sont en train d'essayer de recréer, réinventer. Mais là, on voit bien qu'il se débarrasse de l'arc, le tir à l'arc, ça n'est pas sa chose. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être vu à cheval comme un lancier. Et voilà une représentation, elle m'a l'air un peu fantaisiste, mais elle dit bien la nouvelle attitude d'un sultan qui est déchaîné, un sultan qui est extrêmement actif, qui veut participer, montrer, donner l'exemple de modernité, de réorganisation qu'il est en train de prêcher. Et ces ravissantes images des nouvelles troupes, même si ce n'est pas le sultan, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Ces lances ou bien ces cavaliers armés, c'est une nouvelle technologie. Et bien sûr, les costumes sont tout à fait nouveaux. C'est des costumes extrêmement différents où on essaye, où on expérimente avec des coiffures, des couvre-chefs différents pour garder un certain goût local tout en se mettant au pas de la modernité occidentale. Il a divisé les gens de son intérieur en plusieurs corps afin que les hommes et les chevaux, n'étant exercés que tour à tour, puissent résister à ces fatigues si nouvelles pour eux. Donc il est vraiment engagé. Il s'est donné à lui-même le titre et le grade de Binbash. Binbash, colonel, en fait c'est pas colonel, c'est capitaine, mais enfin peu importe. Et c'est lui qui fait tous les commandements, soit dans le sérail, soit au dehors, tout son temps s'emploie à présider à ses exercices militaires. Et encore une voix du passé qui nous rejoint en disant « il n'y a plus que cela pour lui au monde ». Observait à cette occasion un grave musulman. Bon, mais tout le monde est sidéré. Et voilà donc des images d'un ordre tout à fait nouveau, des images du nouvel uniforme, des nouvelles casernes. Istanbul va s'enrichir d'un nombre extraordinaire de casernes. On militarise la ville, en quelque sorte. Et puis, des images parfois extrêmement naïves, mais d'une armée d'un type tout à fait nouveau. Des rangs parfaits, on dirait des soldats de plomb, en quelque sorte. Et l'excité, là, c'est probablement Mahmoud, qui lui-même en binbashe, en colonel. Ça aussi, c'est très intéressant, le fait qu'il ne veut pas jouer le rôle du généralissime, il veut être colonel ou capitaine parce qu'il veut participer lui-même à l'entraînement, à la formation de ses troupes. Et voici un document excessivement intéressant qui se trouve aux archives du palais de Topkapı. C'est encore une fois dans le style assez naïf des représentations de l'époque, donc les soldats de plomb rangés vraiment. Et là, vous avez au milieu de chacune de ces étoiles le nom d'un commandant de régiment. Vous avez là un cartouche qui vous raconte un peu que c'est la nouvelle armée qui a été fondée par la volonté de Dieu et avec l'assentiment de tous les oulémas et de tout le peuple. Mais ce qui est fascinant, c'est ça. Vous avez un soleil, on peut imaginer que ça c'est le Bosphore et que le soleil bien sûr est à l'est, n'est-ce pas? C'est un soleil naissant, ex oriente lux, mais au milieu, vous avez une inscription qui est assez intéressante puisqu'il s'agit de Binbashe, alors c'est assez mal écrit malheureusement, Binbashe Shehinshah Enjum Sipah, c'est-à-dire le capitaine sultan aux troupes très nombreuses. Donc ce soleil radieux, c'est le sultan, mais c'est le sultan qui pose en capitaine, qui devient un acteur directement impliqué de cette modernisation et qui participe lui-même à cet effort de restructuration. Et voilà donc le tableau avec lequel j'avais commencé, donc je vais boucler avec cette image finale, une parade sur l'hippodrome avec la mosquée du sultan Ahmed, la mosquée dite bleue au fond, et encore une fois, des attroupements, c'est-à-dire des badauds qui viennent admirer la parade. Donc on se met en scène, et plus on se focalise sur cette image, plus on voit à quel point ce contraste est net, quelque chose que vous ne verriez pas avant, puisque les janissaires étaient plus ou moins mêlés à la population. Là, vous avez une armée bien rangée, bien réglée, et une population très hétéroclite, en contrebas, qui admire ces évolutions. Et la dernière image, c'est bien sûr lui, encore une fois. C'est-à-dire que lui-même, derrière ses canonniers, parade à la tête de je ne sais quel corps de l'armée. Il est là, il se met en scène, il met son nouvel état en scène. Et par conséquent, nous allons pouvoir maintenant parler des modalités de ce nouvel état. Quelles sont les fondations, quelles sont les propositions, quelles sont les transformations sur lesquelles il fonde le nouvel état autocratique mahmoudien qu'il a en tête et qu'il va essayer d'appliquer pendant la totalité de son règne. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Etem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, les années 1820-1830. Aujourd'hui, autocratie et résistance. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Etem Eldem. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Un grand merci à Antoine Villose de la discothèque et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation, Laurelène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Demain, Etem Eldem se penchera sur les réformes de l'État et de la société dans l'Empire ottoman. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.